La France, je l'aime comme je la vomis. Deux doigts dans la gorge pour me soulager. Car de droite à gauche, tout me fout la gère. Parole d'homme, c'est promis. Noir est le tableau que je griffonne en soirée. Ce que tu penses tout bas, je le crie fort fort. Les cantons auront leur bif. Désolé, croise les doigts. Puis promèneront leur bite entre deux hôtels, trois étoiles. L'État protège l'argent. L'argent, la fortune de nos élus. Sans cet argent, ils se seraient pendus au fond d'une de nos cellules. Dehors le monde prend les centimètres, ça mendier là. Journée fait la sentinelle, le soir le bandier las. Il vous s'habille au trafic et à la 16 balles. Il veut sa biographie à peine 16 balles. Ça tire aux pompées dans la cave. Ça fait les comptes à l'avance, à prendre à la vente sans tomber dans la cave. Vend la cave, la taronne fait la queue, un enfant dans la poussette. Elle fait la gueule, repense à l'homme fort qu'il entend la poussée. Dieu veut ses paroissiens debout. Sauf ce type devant l'église qui boit plus que ses trois braves chiens de bouffe. À la dure, la rue contre les morts, tous les cas tombent. Il fréquentait le carton, il s'endort sous les cartons. Tu visites gros, je sais pas ce qui t'amène. Ni les drogues, ni les filles, ni les robes, ni les grosses, ni les filles, ni les roses de Pakistanais. Mais qui t'a dit que les gars ne savaient pas rire? Dire que tu résumais la France qu'aux fameux pavés de Paris. Laissez, c'est comme j'aime, la récroulisse les cordes. Un rêve devenu trop cher, empoché par des paumés. Présès, gros chef live, les coulisses des cordes. Les portes cochères, Vétus, les cartes postales, je connais. Là, c'est sous la gorge, elle, pour lui, c'était comme l'aimer jusqu'au cher, car le cauchemar est doré. C'est sur la pochette, le diable sourit sur les cordes. Vas-y, souris sur la prochaine carte postale de cornet, enfoiré. La France, je l'aime comme je la hais. C'est chaque année la même. Une bière, un jour de l'enfant et de Satan et la mêle. Les poubelles brûlent, ils étaient sans selon la 6. Des sirènes hurlent ce soir de pompiers innocents seront la cible. Affolant la police, ses têtes cramées dans les bars. Au volant d'un bolide, ça pètera mais dans les bars. Tu voulais un public chaste. Un rosé de la musique jazz. Ce sera sorti de club arrosé au fusil jazz. On s'enfonce, tu restes, y'a un tas d'humains qui se baladent. On s'en fout, un curé qui n'a pas que les mains qui se baladent. La bouteille vide, son verre est seul. Apparemment ça se dit dans cette famille. Papa, maman, son frère et sœur. La toile ne sait s'attaquer qu'au vaurien en mer. Te reprochant pas d'être toi, mais tes putains de papiers comment rien en merde. Et si l'État s'apprête à voir de l'or, tu saignes. Et si les droits de l'homme s'arrêtent aux droits de l'ordre, tu sais. Le raciste, l'idée de la battre est née dans vos rêves. Mais 20% de la masse, ça fait un paquet à traîner en forêt. Un mur des affiches s'y pose sans plus trop d'efforts. C'est sa fille qui bosse pour t'empoigner le bureau des ports. Sachez qu'en migrève à leur merde, nos hommes se détendent avec des filles achetées en Ukraine à leur mère. L'hexagone pour en faire tour avec tes palabres. Dire que tu résumais la France à tour et fait les panins. Laissez, c'est comme j'aime, là les coulisses les cordes. Un rêve devenu trop cher, empoché par des paumés. Présès, gros chef live, les coulisses des cordes. Les portes cochères, Vétus, les cartes postales, je connais. Là c'est sous la gorge, elle, pour lui c'était comme l'aimer jusqu'au cher, car le cauchemar est doré. C'est sur la pochette, le diable sourit sur les cordes. Vas-y, souris sur la prochaine carte postale de cornet. Enfoiré. Toxine à la brode, bande de fous.